Vous écoutez toujours Futur Simple à l'antenne de CKRL 89.1 et pour ce dernier segment d'émission, nous allons aller dehors avec Camille V. Lefebvre, une férue de plein air et qui s'est demandé quelle place occupent les femmes dans les activités de plein air. Bonjour Camille. Bonjour Valérie. Effectivement, en fait, l'idée m'est venue en lisant un article paru le 22 mai dernier dans la Gazette des femmes et qui s'intitulait « Aventurière, soyez fière ». Je me suis dit, en effet, il y a quelque chose ici dont nous ne parlons pas ou que très peu, soit la place des femmes dans les activités de plein air. Pourtant, le sujet de la place des femmes, que ce soit sur le marché du travail ou même dernièrement en politique, hein, fait de plus en plus partie des discussions sur la place publique. Mais qu'en est-il de la place des femmes dans les activités de plein air? Y a-t-il des études à ce sujet? Est-ce que les femmes sont sous-représentées ou peut-être plus présentes que les hommes? Ou encore, y a-t-il une forme de sexisme à leur égard? Et attention ici, hein, quand j'utilise le terme sexisme, c'est selon la définition de l'Office québécois de la langue française, soit une attitude ou comportement discriminatoire fondé sur le sexe ou sur des stéréotypes liés au genre. Bref, ce sont toutes ces questions qui me sont venues à l'esprit, Valérie, et je vais tenter de couvrir brièvement le sujet aujourd'hui. Des questions fort intéressantes. Et où t'ont mené tes premières recherches sur le sujet? Est-ce que tu as trouvé des pistes de recherche d'abord et qu'en est-il sorti? Tout d'abord, je me suis attardée à la documentation sur les activités physiques en général, puisque selon la définition du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur au Québec, une activité de plein air, c'est une activité physique pratiquée en milieu ouvert dans un rapport dynamique et harmonieux avec des éléments de la nature. Donc, à cet effet, sur l'activité physique, il y a de nombreuses études qui démontrent que les jeunes filles décrochent plus rapidement que les garçons des activités physiques. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 14, 12 ans même, les filles tendent à devenir moins actives que les garçons. En effet, selon un rapport de Kino Québec datant de 2014, une fille sur trois, âgée de 12 à 17 ans, pratique 7 heures d'activité physique par semaine, tandis qu'un garçon sur deux atteint ce niveau. Donc, dès le début de l'adolescence, les garçons seront de manière générale plus actifs que les filles et cet écart sera aussi perceptible à l'âge adulte. Ouais, c'est quand même assez troublant comme situation. Et ce déclin chez les jeunes filles est causé par quoi? Donc, toujours selon le même rapport de Kino Québec, et je cite, « Même très jeune et avec une capacité égale à celle des garçons, les filles se perçoivent comme moins habiles dans les activités physiques et sportives que les garçons. » Une question de perception, hein? Oui, tout à fait. Et plus elles avancent vers l'adolescence, plus ce sentiment d'incompétence au regard du sexe opposé s'intensifie, amenant parfois là, des adolescentes à délaisser complètement les activités physiques. Donc, on voit vraiment ici là, que ce serait une cause de perception sociale qui mènerait vers ce déclin du taux d'activité physique chez les jeunes filles. Et est-ce que c'est une tendance qui s'observe davantage depuis les dernières années? Bonne nouvelle de ce côté. Malgré l'augmentation de la proportion de jeunes filles inactives autour des années 2000, il semblerait, selon les statistiques, que la situation tend à s'améliorer depuis environ 5 ans et que le fossé entre la réalité féminine et masculine dans la pratique, comme dans la promotion également, là, des activités physiques et du sport se rétrécit. Donc, toutefois, là, la situation demeure quand même inquiétante, puisqu'autant chez les hommes que chez les femmes, le niveau d'activité physique, lui, en général, tend à diminuer depuis les dernières années. Ah ouais, donc l'écart se rétrécit, mais l'activité physique, en général, diminue. Donc, exactement. Ouais. Donc, la tendance, elle, est moins positive. Oui, c'est ça. Et quelles seraient les pistes d'action qui pourraient être mises en place pour régler, ou du moins pour améliorer la situation? Bon, parmi les éléments dégagés dans certaines études, il est proposé comme solution de faire davantage découvrir les activités de plein air aux jeunes filles, puisque ces activités sont majoritairement de nature non compétitive, sociale, et aussi qu'il est possible d'autoréguler l'intensité désirée, donc d'y aller à son rythme. Aussi, les activités de plein air ont tendance à accrocher les jeunes filles. Donc, d'ailleurs, ces activités-là permettent de conserver un mode de vie actif tout au long de la vie. Donc, les gens qui font de la randonnée jeune peuvent continuer d'en faire un peu plus tard. Puis en plus, on bénéficie des apports bénéfiques de la nature, comme tu le disais une autre fois, des bains de forêt. Exactement, exactement. Donc, c'est très bien comme piste de solution ou comme alternative aux activités dites plus traditionnelles, mais les activités de plein air, est-ce qu'elles ne sont pas perçues comme étant plutôt des activités pratiques pratiquée par des hommes, parce qu'on s'est toujours associé un petit peu au sport extrême quand même. Tu es tout à fait d'accord ici de soulever, en fait, tu as tout à fait raison de soulever l'image qu'on a des activités plein air, et c'est justement là que je voulais en venir avec la chronique d'aujourd'hui. C'est qu'il est vrai qu'on entretient souvent un stéréotype de l'homme au physique athlétique qui brave le mont Everest. Bon, j'exagère ici, là, mais vous voyez où je veux en venir. Donc, on pourrait présumer qu'il existe une forme de sexisme qui persiste au sein de la pratique des activités plein air, puisqu'il y a un stéréotype lié au genre qui persiste dans le domaine. Donc, d'ailleurs, dans l'article que je parlais plus tôt, celui de la Gazette des femmes, il est soulevé que plusieurs femmes sont rapidement jugées négativement par leur père du sexe opposé, par leurs amis ou même par les membres de leur famille lorsqu'elles pratiquent certaines formes d'activités, disons, non traditionnelles, comme l'escalade, le canot ou le kayak, par exemple. Et pourtant, la tendance dément là, ces stéréotypes-là, puisqu'on observe depuis les dernières années un certain mouvement de regroupement de femmes autour des activités de plein air. Donc, c'est quand même surprenant, mais de quel type de regroupement il est question? Donc, ce sont pour la plupart des regroupements informels, un peu comme dans une certaine époque les clubs pouvaient occuper, mais qui ont la particularité d'être exclusivement réservés aux femmes, comme Flash Foxy, qui est un regroupement de femmes aux États-Unis de grimpeuses, donc de femmes qui pratiquent l'escalade, et elles ont même leur propre festival de grimpe exclusivement réservé aux femmes. Puis d'ailleurs, je pourrais même dire, concernant l'escalade, puisque j'en pratique moi-même, je me souviens qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de filles qui pratiquaient l'escalade. Et quand elles le faisaient, elles accompagnaient leurs chums. Ah et oui. Leurs chums faisaient tout. C'est eux qui s'occupaient d'installer les cordes, etc. Et maintenant, aujourd'hui, on voit des cordées de femmes et qui ont un bon niveau. On voit vraiment qu'il y a un changement dans ce domaine-là, particulièrement de l'escalade. Oui, puis c'est quelque chose qui était critiqué aussi. On le voit là, au sein des communications avec Flash Foxy, que les femmes souvent vont critiquer le fait auprès des hommes là, que souvent ils vont dire « Ah oui, vous avez découvert l'escalade à cause de votre copain », mais comme si les femmes ne pouvaient pas découvrir par ces elles-mêmes, activités par ça. Elles-mêmes. Mmh. Exactement. Mmh. Donc, c'est bien de voir justement qu'il y a un mouvement comme ça de solidarité féminine autour des activités plein air. Même plus près de nous, on pourrait penser à la communauté Pinkwater, qui a pour mission de promouvoir les sports d'eau vive en démontrant qu'ils sont accessibles pour tous. En fait, ils sollicitent des femmes de tous âges à faire partie de la communauté. Donc, pas seulement les jeunes femmes, mais également les plus vieilles. Et c'est dans l'objectif de générer en elles une valorisation personnelle et un dépassement de soi. La communauté Pinkwater, entre autres, là, font un festival à Dolbeau, donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est un festival couru là, dans le domaine, très intéressant à voir si jamais vous avez la chance au printemps. Et finalement aussi, on pourrait penser aux chèvres de montagne. Donc moi, j'apprécie particulièrement le nom de leur groupe, qui est la plus grande communauté de filles en plein air au Québec. Ah ouais. Elle crée des événements uniques, souvent de très bon goût esthétique, qui est hors de l'ordinaire et qui tente à inspirer, transmettre des connaissances et procurer du plaisir, tout en offrant des enseignements là, techniques et des outils là, aux participants. Ouais. Et ça, en fait, ça leur permet là, de débuter et même de progresser là, dans un ou plusieurs sports de plein air. C'est ça, ils proposent plusieurs sports, ce groupe-là, les chèvres de montagne? Oui, donc ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, on avait par exemple du vélo de montagne, du camping ou même certaines personnes pourraient appeler du glamping, donc avec des accessoires là, un peu plus sophistiqués, de la randonnée pédestre, beaucoup également. Donc, beaucoup d'activités. Elles ont une page Facebook. Donc, si jamais vous êtes curieux, vous pouvez aller voir là, leur page. C'est très intéressant. Ben, tu parlais de vélo de montagne, mais je pourrais ajouter même quelque chose en vélo de route. Donc, c'est pas du plein air dans la nature, mais c'est quand même une activité physique. Oui, oui, oui. Y a les cyclopétards aussi, le club des cyclopétards, qui est un club de filles, de vélo de route pour les filles aussi. Super. Dans la même veine. Ben, c'est très intéressant tout ça. Puis, on peut penser que l'image des pratiquants de plein air pourrait être vouée à changer dans le futur. Tout à fait. En fait, je l'espère. Surtout pour la prochaine génération de jeunes filles, hein, si on veut les accrocher aux activités physiques, les faire bouger, et espérons que ces mouvements-là tendront à s'agrandir. Mm-hmm. Puis en même temps, ben, quand on est dehors, on profite de la forêt, de la nature. Donc, il y a plusieurs aspects positifs à aller faire de l'activité de plein air. Exactement. Mm-hmm. Donc, ce qu'on peut en retenir, là, c'est de bouger et préférablement de bouger à l'extérieur, en nature. Ben, merci Camille. Ça fait plaisir, Valérie. Merci.